Je me bats tous les jours avec cette putain d'idée qu'on est complètement à la bourre ou carrément dératé. Les rats tétanisés qui attendent leur tour, espérant avoir une vie et pratiquer un métier. On les industrie tous par catégorie, ils s'autoclassent par caste, mais à mon avis, ils se fracassent, oui, se font effacer ou ils se cassent ici pour se reposer. Heureux, poser leur malheur déposé, ils pensent à peu près tous être dédouanés, les doigts dans les yeux ou dans les oreilles. Et en avant la fuite, à nul autre pareil. La croissance plante nous laisse sur le côté, et toutes nos envies deviennent surcotées. Il faudrait pour leur plaire continuer à bosser. J'adore gagner ma vie, mais j'en ferai pas mon métier. À bosser, j'adore gagner ma vie, mais j'en ferai pas mon métier. Il faudrait pour leur faire continuer à bosser. J'adore gagner ma vie, mais j'en ferai pas mon métier. Il faudrait pour leur faire continuer à bosser. J'adore gagner ma vie, mais j'en ferai pas mon métier. Il faudrait pour leur faire continuer à bosser. J'adore gagner ma vie, mais j'en ferai pas mon métier. Les cacahuètes, parce qu'il y a du vent entre nos oreillettes, mais qui vote le blanc, révolte le champêtre, trompettiste, engagé dans l'art, mais d'air, un bon sous-bassophoniste ne souffle jamais en arrière, c'est clair, il est tisté les vents, j'adhère, mais ne soyez pas triste, t'es sur l'étagère, on est des cons, sans tact, à se gonfler la pastèque avec le sang, contact, on ne connaît plus l'échec, on est des cons, sans gain, on ne relèvera pas la tête, si on fait sans contrainte, on ne fera plus jamais la fête, l'enfance de la résilience nous guette, l'enfance de la résistance nous jette, au lion du capital, pour qu'on lui sauve la tête, ici si c'est pour lui qu'on travaille, on n'aura que des miettes. Il faudrait pour leur faire continuer à bosser, j'adore gagner ma vie, mais j'en ferai pas mon métier. Il faudrait pour leur faire continuer à bosser, j'adore gagner ma vie, mais j'en ferai pas mon métier. Il faudrait pour leur faire continuer à bosser, j'adore gagner ma vie, mais j'en ferai pas mon métier. Il faudrait pour leur faire continuer à bosser, j'adore gagner ma vie, mais j'en ferai pas mon métier.